Chapitre 4. Cependant, on ne pouvait espérer une pareille exception. Un jour donc, le recteur fut mandé pour assister une pauvre femme dont les jours étaient comptés. Il partit triste et sombre, son livre de prière sous le bras, sentant que la crise était venue. Il accomplit le devoir de prêtre, mais il le fit péniblement, sans enthousiasme, sans foi. Il ne put rien dire de spontané ni de consolant. Il revint chez lui, mécontent, troublé. Une pareille situation ne pouvait se continuer. Le bon M. Bury avait accoutumé ses ouailles à de fréquentes visites, et les souvenirs que cet homme évangélique avait laissés étaient mortels pour l'agrégé de Old Souls. Cette nuit-là, il écrivit à sa mère une longue lettre et lui ouvrit son cœur. Cette lettre était écrite dans un style pathétique dont le digne homme ne se doutait pas lui-même. Il terminait en lui demandant ses conseils et ses prières. Il l'envoya le matin à l'heure de son déjeuner, qu'il avait coutume de préparer, puis il sortit afin d'attendre plus patiemment. Il alla chez M. Woodhouse, où il ne trouva que Lucie. Cette dernière fut charmante et ne fit aucune allusion à la triste rencontre qui avait si complètement changé le cours de ses idées. Elle lui dit cependant que la pauvre femme était morte, non sans avoir reçu de M. Wentworth les consolations et les secours de la religion. Lucie, par une louable réserve, ne fit aucune éloge de ce dernier, mais la conscience du recteur suppléait amplement à la modestie de la jeune fille. Si Miss Woodhouse s'était trouvée là, il se serait senti consolé. Il aurait avec joie quitté Lucie et ses rubans bleus pour aller, tant les derniers événements l'avaient changé, auprès de cette femme en robe gorge de pigeon. En conteur véridique, il faut avouer néanmoins qu'il ne les redoutait plus, ni l'une ni l'autre. Des pensées d'un autre ordre avaient remplacé ses frivoles appréhensions, ses craintes chimériques. Mrs. Proctor était assise dans son fauteuil de prédilection, ses journaux, ses livres, son ouvrage et sa canne à pommes d'argent à son côté. La vieille dame avait un air de gravité qui ne lui était pas ordinaire. Elle fit signe à son fils de se hâter dès qu'elle le vit paraître à la porte du salon et lui indiqua une chaise qui se trouvait près d'elle. Il s'approcha, le trouble dans l'âme, osant à peine regarder sa mère, de crainte de lire dans ses traits le désappointement que sa lettre avait pu lui causer. Elle le devina, et lui prenant la main, elle s'écria, avec sa vivacité accoutumée, « Quelles idées avez-vous donc, Morley ? Vous n'avez jamais donné sujet de vous méfier de moi ? Croyez-vous que je veuille d'un bonheur qui vous coûte si cher ? Comment m'avez-vous méconnu à ce point ?» Le recteur se laissa tomber, bien plutôt qu'il ne s'assit sur le fauteuil que sa mère lui avait indiqué. Il aurait eu beaucoup à dire, si elle avait pu l'entendre, mais il était impossible qu'il criât à son oreille tous les sentiments dont son cœur était plein. « Quant à ce qui est de moi, reprit la vieille dame, il ne faut pas vous en préoccuper. Je n'ai pas encore eu le temps de m'attacher à Carlingford, et je serai même très heureuse de revoir mes anciens amis du Devonshire. Ainsi, Morley, ne songez plus à cela. » Le recteur resta muet. Cette abnégation lui faisait plus douloureusement sentir la pénible situation dans laquelle il était. Sa mère pouvait-elle retourner dans le Devonshire, raconter à ses amis l'échec que son fils venait de subir? Cette seule pensée le glaçait. Ses frères d'Old Souls le comprendraient sans nul doute, mais que répondrait la pauvre vieille femme aux condoléances dont son fils serait l'objet? « J'ai le cœur brisé !» lui cria-t-il à l'oreille. « Morley, répondit-elle, je suis désolée de voir que vous ne vous sentez pas le courage d'accomplir votre tâche. On m'a dit que votre prédécesseur visitait tout le monde et se conduisait presque comme un dissident. Il n'est donc pas étonnant qu'avec vos habitudes, vous vous trouviez un peu dépaysé. Mais songez, mon cher enfant, que vous ne faites qu'arriver. Ne pensez-vous pas qu'à la longue, vos paroissiens pourraient se faire à vos habitudes? Vous finiriez par vous accoutumer aux leurs? Miss Woodhouse est venue ce matin et m'a beaucoup parlé de tout cela. Vous a-t-elle dit que nous nous étions rencontrés l'autre jour? Demanda le recteur avec un laconisme que l'infirmité de Mrs. Proctor rendait nécessaire. Elle m'a parlé du contraste qui existait entre elle et sa sœur, de la grâce et de l'adresse de cette dernière, de M. Wentworth de Saint-Roch, et il m'a semblé comprendre que ce jeune homme ne manquait pas de suffisance. Son intervention dans les affaires de votre paroisse ne me plaît nullement. Le recteur secoua la tête. Il n'avait pas envisagé la question à ce point de vue. Il était d'ailleurs si modeste qu'il n'avait éprouvé, en présence du jeune prêtre, qu'un sentiment mêlé de respect et de surprise. « Cet homme-là sait remplir son devoir, ma mère, » répondit-il tristement. « Folie ! » s'écria la vieille dame. « Prétendez-vous qu'un enfant, car c'est un enfant, connaissent son devoir mieux que mon fils. Et si vous vous rendez compte de l'importance de votre mission, continua sa mère attendrie, je suis sûr que vous saurez l'accomplir. C'est précisément là la difficulté, s'écria le recteur, arrivé à un degré d'exaltation où il ne craignait plus qu'on l'entendît de la cuisine. Une pareille tâche demande une autre éducation que la mienne. Je ne puis m'en charger. Entendez-vous, ma mère? Je ne puis rester plus longtemps dans cette fausse position. C'est impossible. Vous ne pouvez rester dans une fausse position, c'est vrai, mon fils, répondit la vieille dame, mais songez que vous êtes bien supérieur à tous ces gens-là. Votre père et moi, mon enfant, vous avons élevé pour être prêtre et non pour rester toute votre vie agrégé d'Old Souls. Le recteur soupira. N'était-ce pas son bonheur et sa gloire de faire partie de cette savante corporation? D'ailleurs, il ne pouvait rien changer à l'état des choses, et après avoir vécu 15 ans au milieu des joies de l'Éden, il ne pouvait revêtir le surplis du ministre avec l'ardeur d'un jeune homme. Il avait pris depuis longtemps d'autres habitudes. Sa mère lut sur son visage quels étaient les sentiments qui l'agitaient et comprit que sa cause était perdue. Cependant, avec ténacité et le courage dont les femmes ont le secret, elle tenta un dernier effort. « Et avec un excellent vicaire, dit-elle, qui vous aiderait et prendrait pour lui-même une grande part de responsabilité. Et puis, nous en parlions un peu légèrement, il y a quelque temps, mais c'est un sujet des plus importants. Vous pourriez épouser une femme qui s'occuperait avec vous des affaires de la paroisse, vous donnerait des conseils profitables et se conduirait enfin, comme doit le faire la digne épouse d'un ministre. Une telle femme... Lucy Woodhouse ! S'écria le docteur en se levant avec effroi. C'est impossible, je veux retourner à Old Souls. » Il se rassit après ces derniers mots. Sa mère le regardait avec des larmes dans les yeux. Elle se disait qu'elle avait autrefois vu son mari dans de semblables dispositions et que le raisonnement n'y pourrait rien. Elle attendit donc en silence que l'émotion de son fils fût passée avant de lui adresser de nouveau la parole. C'est une vieille théorie que l'esprit incompréhensible et capricieux des femmes. Mais qu'est-ce que cela auprès de l'étonnement avec lequel les mères, les épouses, les sœurs observent l'homme qui vient pour un moment de se soustraire leur joug et qui ne sait encore à quelle partie s'arrêter pour faire usage de son indépendance. Le cœur s'afflige à la pensée des dangers que peut courir l'être aimé hors de leur tutelle, mais elles sentent qu'il est inutile de faire aucun effort pour le ramener et qu'il vaut mieux attendre le moment où, sentant son isolement, il viendra se rendre lui-même. Telle fut la pensée de Mrs. Proctor, tandis que, attristée de la résolution de son fils, elle s'enfonçait dans son fauteuil en essuyant les larmes qui brillaient dans ses yeux. Ses larmes donnèrent au recteur le courage de parler. « Écoutez, ma mère, lui cria-t-il, vous aurez une maison à Oxford. Vous ne retournerez pas dans le Devonshire. Je vous verrai tous les jours et vous tiendrai au courant de toutes les nouvelles. Qu'en dites-vous, mère? Cela ne vaut-il pas 1000 fois mieux que Carlingford ?» Ce fut au tour de Mrs. Proctor à montrer la porte de la cuisine avec inquiétude. Mais le recteur se souciait peu d'être entendu. Il avait pris une résolution, il ne s'agissait plus que de l'exécuter, et le plus tôt serait le mieux. Telle fut la courte carrière ecclésiastique du révérend Morley Proctor. Il retourna à Oxford avant d'avoir terminé son année. On fut ravis de le revoir. Il quitta Carlingford, chargé des vœux de tous les habitants. Sa cure échut à Morgan, qui voulait se marier, et dont le caractère était bien plutôt celui d'un prêtre actif et zélé que celui d'un commentateur classique et d'un érudit. Mrs. Proctor vint habiter une jolie maison sous les frais ombrages de St. Giles, et une bonne moitié des étudiants devint amoureuse de la vieille dame dans l'éclat de sa seconde jeunesse. Carlingford fut pour elle un songe qui s'effaça de sa mémoire, et d'ailleurs, quels regrets eussent pu tenir devant la béatitude dont jouissait son fils bien-aimé. Cependant, ce dernier ne retrouva pas à Oxford tout le bonheur auquel il s'était attendu. Old Souls n'était plus l'Éden après lequel il avait tant soupiré. Il eut à subir les railleries de ses frères, puis l'image de Morgan et de sa femme, dans leur jolie résidence, passait devant ses yeux, comme une vision charmante. La vie, après tout, n'est pas faite uniquement de science, et le grec n'est pas indispensable au bonheur. Les émotions qu'il avait éprouvées, le tableau que lui avait offert Lucy Woodhouse et le jeune vicaire auprès de la mourante, le souvenir de la bonne et simple femme qui avait pleuré à côté de lui, tous ces souvenirs revenaient à sa mémoire avec une étrange persistance au milieu des délices d'Old Souls. Le digne homme éprouva pour la première fois ce malaise de l'esprit et de la conscience qui pousse les bonnes natures vers le bien. Il y avait quelque chose de plus doux pour le cœur, sinon pour la tranquillité, que ce qu'il avait rêvé jusqu'alors. L'homme n'a-t-il pas fait plutôt pour le combat de la vie et de la vertu que pour l'Éden enchanté qu'il rencontre à ses premiers pas sur cette terre. Rentré à Old South, le Sir Proctor sentit l'aiguillon de cette pensée, et il éprouva des aspirations jusqu'alors inconnues vers ce monde qu'il avait voulu fuir. Et si dans l'avenir quelques voyageurs, si toutefois les voyageurs sont encore amoureux d'aventure, rencontrent dans une cure isolée un recteur vieux et gauche, ayant à ses côtés une femme vieille aussi, habillée d'une robe gorge de pigeon, se livrant de toute son âme au devoir que lui impose sa mission, charitable, humain, évangélique, infatigable, affrontant les plus durs labeurs de son sacerdoce, qu'il soit convaincu que c'est le dernier recteur de Carlingford qui s'est échappé de l'Éden, dont il ne savait plus jouir, afin de racheter sa longue indifférence pour ses semblables par une vie de dévouement et de travail. Ainsi s'achève Le Recteur, une des chroniques de Carlingford, par Margaret Oliphant.